ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Partout ça défouraille, ça prend des rails. Mais face à l'oseille, que valent les conseils? Partout ça part en couille, il pleut des douilles. Ils ont promis monts et merveilles. Fous un peu la pagaille, qu'ils t'envoient la bleusaille. Ton CV y'en a des millions pareils. Pourquoi t'as la trouille? Qu'est-ce qu'elle a ma bouille? T'aimerais grand avoir une blague. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Non, c'est des souhaits. Mais c'est tu veux quand t'assaisonnes, vas-y télévisionne. Y'a longtemps que les beaux font pris la musique pour une conne. Ton ongle est personne, c'est comme ça que l'on te nomme. On te le rabâche comme on mange un chewing-gum. Tu subis comme personne, jamais tu ne questionnes. Paye ce qu'il faut payer, ferme la gueule et charbonne. Tous ces putains de trachous, ensemble rébellionne. Ils montent à niveau, c'est que le système fonctionne. Une goutte de sueur dégouline le long de ta colonne. Quand t'arrives le journal de 20h, là tu frissonnes. Quand sur les jeunes de quartier des heures, ils le mitonnent. Même s'il y a plein de petits bâtards qui trop souvent déconnent. La justice sanctionne, l'état pensionne. Le RG espionne, toi tu te cramponnes. La merde tu la trouves bonne, les traqueurs te harponnent. Original Big One pour le microphone. Devant tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. À force de vivre dans le brouillard, on finit par en voir la nuit. On peut pas dire qu'il est trop tard quand tout est fini. Les moutards en très peu de temps s'agrandit. Le mitard ne remplacera jamais ton lit. Une bande de crapulons bridés ton avenir. Si tu calcules bien, je ne suis pas là pour divertir. Tous manipulés, qui va me contredire? Quand ils se font empaler, tous ces putains de vampires. Le manque de respect me fait réagir. Pour les femmes, les enfants, il nous faut réagir. Comment obtenir le meilleur sans hériter du pire? Obtenir la paix sans faire de martyr. Soigner qu'une blessure grave sans te faire souffrir. Essayer quelque chose, voire même de construire. Avant qu'une overdose vienne tout détruire. Les vices de la rue tombent en pleine ligne de mire. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre. Tous ces parasites, toute cette propagande. Comment résister, mais comment s'y prendre? Bien souvent j'hésite, quand ma déception est grande. Oui j'hésite, je ne sais quel chemin prendre.